régnier, ni à mon mouquet, en régnier na vie, pour comment les en régnier, l'incolo baguette bière na bine, mais la maga moins. Zaba, zaba, mayolo, mayolo, tout ça n'a pas l'imma, la tombe les moulins à ma prima et, oh, ma lima, Kovo masola, papi nga lumimi ekumbe linga didi kelokelo. Esita kocha yo masanga na bino ka kocha na bote. Na kena zela, na kute na bade sheri. Na tuni bango, ome la kanini. Alobi primis, koke bada mime la mela koko. Koma na sante ya beri beri. Koko mima 50-50 kura kantina nyekise. Edo Musamba Showbiz, Patrick Makoda, Guy Makoda Garçon Tendance, Yolande Mayasi. Tozalaka, tozato, tozalaka, de génération en génération. Na ma fête, tu na ma barre, n'y en souhait. Aïe, aïe, aïe, aïe. La musique, elle est primée, c'est sa langue. Tant sa langue, pour la lutte. Pour nous qui n'a ma carte, pour la lutte, je m'aime. Y'a bien l'autre. Terminal A. Primis, c'est son mélama qui toque comme un sang à Yaku. Patrick Mumbada. Hey, basomba, de la basouki na Congo. Ayaké, ba me mela, mi dele, mi sele, gade, mi dele, ba se gaba, no. Giri moto. Mela qui toque, ça la mela, la feuille. Alita chama la grand prêtre Nadia Alicia. Présent Pek Namor, Rostar Ngoudi, Flavien Ngoudi, Joël Mbeteng Photo, GG Photo, Chico Photo, Coco Luteza, Doudou Mouaga les Sages. La voix des blagues, je vais dormir, bébé complice, souké lala. La voix des blagues, je vais dormir, qui va que c'est souké lala. Adi Tembo. Allemagne. Bana Congo.